est prête à vous rencontrer sur le chemin de notre vie. J'avais perdu le temps de vivre, vous arrivez à temps pour me laisser le temps d'aimer et vivre avec vous. Je suis bête près de toi. Tu donnes ta vie à te laisser vivre pour me donner la joie, l'éternité pour m'approcher de ton amour. On sera belle ensemble un jour. De loin, on prendra tout le temps de vivre.